Une fois que la nuit tombe, je rêve. Un autre bout de monde, je vois. La boucle dite sans fin s'achève. Et vous, mes petits bouts, je crois. Meilleurs sont nos enfants, meilleurs. Meilleurs sont nos enfants, qu'ils soient. Meilleurs que leurs parents, meilleurs. Meilleurs dans leur dire et leur choix. Debout dehors au clair de lune, elle se blottit auprès. Choix.